Donc après cette, on est en 64, le premier vraiment groupe de rock and roll, c'était un peu des Kids, hein. Voilà, c'est les Rocky Blues de Pont-l'Abbé. Voilà, c'est vraiment là que la première formation qui va arriver dans le pays Bigouda, les Rocky Blues. Voilà, avec la cravate, le nœud twist, comme on appelait ça. Voilà, avec bon, je vais pas citer, bon, c'est le premier groupe, je vais citer leur nom. Pierre Andreau, c'était le fils du boulanger de Pont-l'Abbé, c'était lui le créateur, hein, avec Gaulier, Jean-Jacques Gaulier à gauche, voilà, et avec André Cariou, Alain Cariou, et puis comment il s'appelle lui, je m'en rappelle plus. Bon, c'est les Rocky Blues. Les Rocky Blues. Donc ça, c'est un groupe qui s'est formé en 1965. Voilà, qui faisait du rock, des reprises aussi, bien évidemment. Ouais. Voilà. Donc c'est le rock qui est arrivé ici chez nous a trouvé aussi un terrain favorable. Hein. Terrain favorable. Alors peut-être, c'est peut-être pas le nombre de groupes qui s'est formé ici dans le pays bigoudin de 62 à 72 qui est significatif, mais dans le tissu musical bigoudin, ce qui est vraiment unique, c'est le nombre de salles de danse. Hein. Le nombre de salles de danse, on en trouve à 10 km à la ronde, quand vous trouvez. Alors quand vous ramenez ce maillage de salles de danse au nombre d'habitants, c'est tout à fait original. Le pays Bigouden, ça c'est, allez, on va prendre en 1965, au mi-temps des 60s, le pays Bigouden, c'est 40 000 habitants. 40 000 habitants, c'est la population de Quimper à l'époque. Quimper, intramuros, quoi, Quimper. Quimperville. Dans le pays Bigoudin, moi j'ai recensé, il y a sûrement plus des salles de restaurant qui poussaient l'État pour faire danser les gens, il y a encore plus d'une vingtaine de salles de danse pour 40 000 habitants. À Pont-l'Abbé, à Quimper, il y avait 2-3 salles, indique hein, Maxi. Ouais, Maxi. 2-3 salles. Ça, vous trouvez ça nulle part ailleurs, hein, dans toute la Bretagne. Bien sûr, il y a beaucoup. Si vous remontez dans le Nord Finistère à Brest, vous avez aussi une concentration de salles de danse. Mais il faut ramener ça à la population, quoi. C'est unique, c'est unique. Quand on dit le pays Bigoudin est une terre de musique, bon, la musique traditionnelle, dont vous avez parlé la dernière fois, c'est sûr, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça a toujours été une terre de musique. Et on le voit même ici dans le rock. Hein, toutes ces salles, les jeunes rockers qui trouvaient des scènes pour s'exprimer, quoi. Il y avait des bals organisés toutes les semaines. Partout, partout, partout, partout. Et si on ajoute à ça les bals de noces qui étaient ouverts à tout le monde, ça dansait presque pas tous les jours, presque tous les 2 jours ici dans le pays Bigoudin, quoi. Si vous avez envie d'aller danser en habitant Plozévette, après le travail, vous allez à un bal de noces à Pont-l'Abbé ou inversement. Ça dansait jusqu'à 8 heures, quoi. Les bals de noces étaient ouverts à tout le monde, hein, bien sûr. On finissait par. Il y avait des fois plus de gens extérieurs à la noce qui étaient dans la salle, quoi. Écoutez, à Pont-l'Abbé, il y avait 3 salles de danse. Hein. Salle Guanec sur la place de la République, le patro laïque et la salle Kerlock. Les filles chez Minor, à l'époque, il y avait des usines. À l'usine Béziers, il y avait des dizaines et des dizaines de filles après le travail qui allaient danser, là. Les gars allaient au bistrot et les filles allaient danser. Et jusqu'à 7-8 heures, il n'y avait pas la télé, c'était ça. C'était il y avait, je ne sais pas combien de filles chez Minor, entre les ateliers. 150, les filles allaient rentrer par la maison à 5 heures, ils allaient danser au bal de noces. Hein. Ouais. Oui, il y avait des jeunes là, oui, à lui. Oui. Plozévette a eu l'hôtel des Bruyères, l'hôtel des voyageurs, et puis chez au vaisseau, là, à droite. Voilà. Bah, pour une ville qui n'est pas énorme, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Hein. La grande salle du pays Bigoudin, c'est quand même le Sydney à Guilvinec. Le Sydney, une partie du bâtiment existe encore. Ils ont fait des appartements. C'est à la sortie sur la route de Pamar. Là c'était une salle en été, par exemple, au mois d'août. Il passait 2500 personnes, quoi, hein, le samedi soir, le dimanche après-midi, dimanche soir. Quoi, hein, voilà. C'est une. Le Sydney au Guilvinec, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, voilà. Alors, dans la presse, tous les samedis, il y avait des encarts sur une page entière dans le Télégramme et dans Ouest France qui annonçaient les balles. Bon, là, j'ai pris un exemple de les hôtels des voyageurs, dimanche 5 à 21h. Voilà. Quartet de Rock, c'est des gars de Concarneau, ça, non? Ouais, c'était un groupe de Concarneau, Élection de la Reine. Alors, vous avez ça partout, quoi, sur les vingtaines de salles que j'ai mentionnées sur la carte. Tous les jeunes se ruaient sur le journal. Ou alors, certains cafés avaient trouvé l'astuce, on n'avait pas trop d'argent pour passer le journal là-dessus. Ils affichaient, ils découpaient la page. Il y avait ça au-dessus du bar. Alors, toutes les bandes allaient voir ça, et puis il y avait l'embarras du choix, quoi. Ça fait que des orchestres importants de tout l'Ouest, même du nord de la France, de Belgique, et des pointures sont venus ici jouer au Pays Bigouden, quoi, à cette époque-là. Voilà.